La radiodiffusion de la France d'Outre-mer vous propose... Le Réviseur. Une adaptation radiophonique de la comédie de Nicolas Gogol. Avec Chantal Darget, Christiane Lasquin, Michel Bernardi, Jacques Destoupe, Claude Évrard, Pierre Gurgan, Raymond Jourdan, Serge Merlin, Guy Richard, Jean Saudret, Alain Soucher, Gaston Vacchia et Claude Vernic. Réalisation de Serge Ligier. En Russie, au siècle dernier, les moyens de locomotion sont rares, les distances énormes. Dans les petites villes éloignées de la capitale, les fonctionnaires jouissent d'une paix, mon Dieu, extrêmement appréciable. Le seul point noir, la seule terreur, c'est... Le réviseur. Le réviseur. Le réviseur. Mais qu'est-ce qu'un réviseur? C'est un inspecteur envoyé par le pouvoir central. Un inspecteur qui a plusieurs désagréables manies. Premièrement, il arrive sans prévenir. Deuxièmement, il voyage incognito. C'est donc quelqu'un d'extrêmement dangereux, car quelle administration, même excellente, est tout le temps irréprochable. Nous sommes donc dans le salon du gouverneur d'une petite ville de province très loin de Saint-Pétersbourg. Et l'on peut se rendre compte à l'intensité du silence qu'il va se passer quelque chose de formidable. Je vous ai convoqué, messieurs, pour une très pénible nouvelle. Il nous arrive... Quoi donc ? Un réviseur. Un réviseur ? Un réviseur de Saint-Pétersbourg. Seul et incognito. De plus, il a, dit-on, des instructions secrètes. Depuis le temps que nous n'avions pas d'ennui, il fallait bien que ça commence. Vous dites, un réviseur ? Avec des instructions ? Tout Dieu tout-puissant. Cette nuit, j'ai rêvé de rats énormes et noirs et dégoûtants. Ils s'approchaient de moi, me sautaient au visage et... Pst, disparaissez. Des rats. C'est un présage. Écoutez cette lettre. Cher ami, cher frère et très cher bienfaiteur, je me hâte de t'annoncer, entre autres choses, qu'un fonctionnaire est arrivé avec mission d'inspecter toute la province et spécialement notre district. Je le tiens de source très sûre. Il se fait passer pour un particulier. Prends donc bien garde, frère. Nous avons tous de petits travers. Toi étant plus important, il est normal que tu en aies de plus grands. Ainsi, tu n'as jamais laissé traîner ce qui passe à ta portée. Excusez-moi, c'est personnel. Aussi, je te conseille de prendre toutes les précautions, car il peut arriver d'un moment à l'autre, s'il n'est pas déjà là, installé dans ta ville. Hier, dans la journée, ta sœur Anna est arrivée. Elle a beaucoup grossi, mais Yvan, son mari, joue toujours du violon. Messieurs, vous connaissez la situation. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Ici, chez moi, le réviseur. Le réviseur? Tel était le nœud du destin. Jusque-là, Dieu merci, c'étaient les autres villes. Notre tour est venu. Messieurs, vous savez tout. Vous êtes trop bon citoyen pour ignorer quelles précautions vous devez prendre. Vous surtout, Artemy Filipovitch. Que fait un fonctionnaire qui arrive dans une ville? Il visite les établissements de bienfaisance. Alors que les bonnets de nuit soient propres. Dans la journée, vos malades sont lamentables, sales comme des chiffonniers. On peut envisager de laver les bonnets. Au-dessus de chaque lit, il conviendrait d'écrire quelque chose. Du latin, du grec, des langues étrangères indiquant la maladie, par exemple, ou la date d'entrée. Et puis, le tabac que fument vos malades est mauvais. J'éternue chaque fois, rien qu'en ouvrant la porte. D'ailleurs, sans vouloir vous vexer, il y a trop de malades. C'est un très mauvais effet. On pensera qu'il manque de soins. On accusera d'incapacité le médecin. Seuls meurent les malportants, mais les autres guérissent. Et vous, Amos Fedorovitch, il faudrait tout de même faire un peu attention à votre tribunal. Pourquoi y a-t-il toujours, dans votre vestibule, des oies et des oisons? Vous me direz, c'est le gardien. L'élevage domestique est louable, c'est vrai. Il serait inhumain d'en priver un homme pour la seule raison qu'il est gardien. C'est encore vrai. Mais pas au tribunal. Je vous assure, c'est déplacé. Je voulais déjà vous faire la remarque. C'est bon, je les confisque. Dînerez-vous avec moi? Et dans la salle d'audience, vous mettez souvent votre linge à sécher. C'est déplaisant. Et puis, votre assesseur, sans douter aucunement de sa moralité, le pauvre homme, il pue à plein nez. Le tonneau. Il dit qu'il est tombé un jour dans son enfance et qu'il lui est resté un parfum de vodka. Mais je sais, mais ne pourrait-il pas croquer de l'oignon ou de l'ail, ceci dit en passant. D'ailleurs, je n'ai parlé du tribunal que très incidemment. Je doute fort qu'il vienne jamais y fourrer son nez, car l'endroit est sacré et protégé par Dieu. Par contre, vous, Luka Lukic, hein? Vous qui êtes inspecteur scolaire, surveillez donc vos professeurs. Par exemple, l'un de le joufflu. Mais rappelez-moi donc son nom. Pourquoi, lorsqu'il monte en chaire, fait-il aussitôt la grimace? Qu'il le fasse aux écoliers, pas, c'est nécessaire. Mais devant un étranger, devant monsieur le réviseur. Et là, qui faire? C'est une tare. Lorsque le doyen est venu, il a fait aussi la grimace. Oh, sans malice. Mais le doyen a trouvé qu'il était mauvais d'inculquer des idées subversives à la jeunesse. C'est comme pour votre professeur d'histoire. Tant qu'il parle des Assyriens, ça va. Passe encore pour les Babyloniens. Mais lorsqu'il arrive à Alexandre le Grand, il s'excite. Il bondit de l'estrade, il empoigne une chaise et il flanque de toutes ses forces la lance sur le plancher. Je sais, Alexandre est un héros. Mais pourquoi démolir le matériel? Ça chiffre en fin du mois. Mais il est un peu nerveux, je le reconnais. Mais l'avez-vous jamais entendu lorsqu'il dit « Pour la science, je donnerai ma vie ». Hélas, telle est la loi de la destinée. Lorsqu'un homme est intelligent, ou bien c'est un ivrogne, ou bien c'est un voleur, ou il casse les chaînes. Excellence, l'enseignement est une dure carrière. Monsieur le directeur des postes. Ah, vous êtes au courant. Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est la guerre avec les Turcs. Je vous le dis, messieurs, il y aura la guerre avec les Turcs. De plus, c'est un coup des Français. Mais non! Voici la lettre. Lisez. C'est nous qui sommes menacés, mais pas les Turcs. En effet, nous n'aurons pas la guerre avec les Turcs. Non, ce n'est pas que j'ai peur, mais je suis, comment dirais-je, agacé. Oui, ce sont les bourgeois et les marchands qui m'inquiètent. Ils clament bêtement partout que je les pille. Pourtant, Dieu seul le sait. Quand je prends quelque chose, c'est bien sans méchanceté. Mais dites-moi, j'y pense. Non, mais je me demande. N'y aurait-il pas eu contre moi une dénonciation? Car autrement, pourquoi viendrait ce réviseur? Non, écoutez-moi, très cher. Pour le bien public, ne pourriez-vous pas ouvrir un peu certaines lettres? Oui, par exemple, celle de Saint-Pétersbourg. Nous pourrions découvrir... Mais j'ouvre toutes les lettres. Inutile de me le dire. Il y en a d'ailleurs de ravissantes. Tenez, celle-ci, je l'ai d'ailleurs gardée. Ma vie, très cher ami, s'écoule dans l'empyrée. Quelle poésie! La musique se joue quand les officiers dansent, les femmes... Je m'en fiche! Oui, excusez-moi, je n'ai pas la tête à cela. Mais pas du tout à cela! Alors c'est entendu. Les lettres à double sens, délation, dénonciation, plainte, désolation, vous interceptez. Bien entendu, avec plaisir. Cela pourrait vous coûter cher. Ah vraiment, vous croyez? Alors, au milieu de tous ces braves gens en train de bien astiquer leur ville, de lui faire une nouvelle beauté, tombe le tonnerre. Entre deux garçons honorablement connus dans la ville. Ils répondent tous deux au prénom de Piotr Ivanovitch. Mais Dieu merci, alors que l'un s'appelle de son propre nom Bobchinski, l'autre s'appelle seulement Dobchinski. Un événement extraordinaire. Une catastrophe imprévue. Révélation sensationnelle. Nous arrivons à l'hôtel. Ah, Piotr Ivanovitch, laissez-moi parler. Piotr Ivanovitch, vous vous embrouillerez. Piotr Ivanovitch, vous oublierez des détails. Oh, au nom de Dieu, parlez, messieurs, j'ai le cœur qui défaille. Dites-moi de se taire. Dites-moi de parler. Je rencontrais Piotr Ivanovitch en sortant de chez vous, près du kiosque à gâteaux. Et je lui dis, êtes-vous au courant de la nouvelle? Il était au courant par Advotia, votre bonne, envoyée chez Philippe Ivanovitch. Cherchez un petit baril de vodka à la française. Nous partons. Chemin faisant. Allons, Piotr Ivanovitch. Chemin faisant, Piotr Ivanovitch me dit, entrons à l'auberge depuis ce matin, je ne sais ce que j'ai, mais je me sens des crampes stomacales. Dans l'estomac. Oui, dans l'estomac de Piotr Ivanovitch. Allons nous restaurer, ajoute-t-il. Je sais qu'à l'auberge, il y a du saumon frais. Nous entrons. Nous entrons. On nous sert le saumon. Et alors, un jeune homme... D'allure agréable. Mais vêtu en civil, entre. Il marche dans la salle, en large, et puis en long. Mais quel regard, quels yeux, quelle allure. Immédiatement, je dis à Piotr Ivanovitch, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. J'appelle le patron. Le patron s'appelle Vlas. Il a une femme, laquelle a accouché il y a 2 jours d'un garçon. Lequel est un véritable gaillard, qui tiendra un jour comme son père à un restaurant. Et je dis au patron, quel est donc ce jeune homme? À quoi Vlas répond, monsieur, un fonctionnaire. Et il ajoute... Il serait bon que vous vous taisiez. Quand vous parlez, vous bafouillez. Et il ajoute, il a de bien drôles de manières. Il arrive, dit-il, de Saint-Pétersbourg. Depuis qu'il est ici, cela fait 2 semaines, il ne paie pas un copec. Il ne quitte pas l'auberge, prend tout à crédit. Alors je dis, hé hé. Pardon, Piotr Ivanovitch, c'est moi qui ai dit, hé hé. Mais enfin, pourquoi? Mais c'est le fonctionnaire de votre lettre. Enfin, le réviseur. Le réviseur. Le réviseur. Et pendant que ces respectables personnages encaissent douloureusement la nouvelle, transportons-nous à l'hôtel, ou plus exactement, à la chambre charmante, bien que située sous l'escalier, où vit depuis 15 jours Ivan Alexandrovitch Khlestakov. Pour l'instant, Ivan Alexandrovitch n'est pas dans la chambre, et c'est son domestique, Ossip, qui profite de la douceur toute relative du lit. J'ai faim, et un de ces gargouillements dans les intestins, une vraie fanfare militaire. Et pourtant, nous avions de l'argent, de quoi faire plus de 3 mois de voyage. Mais voilà, monsieur fait de l'épate, monsieur fait de l'esbrouf. Va retenir une chambre, que ce soit la meilleure. Mon déjeuner, aussi, du vin et du meilleur. Oh, je t'en ficherai. Ça joue les grands seigneurs, puis ça lie connaissance avec un inconnu et ça se fait plumer. On joue comme un vulgaire poulet. Oh. Pourquoi ai-je quitté mon tout petit village? J'y aurais pris une bonne femme qui m'aurait nourri de pâté. Oh, bien sûr, mais d'un autre côté, Pétersbourg, la grande vie, il n'y a pas à dire, c'est raffiné. D'abord, on m'appelle monsieur, et puis l'on me dit vous quand je vais au marché. Dans la rue, jamais un gros mot. Quand on est fatigué, cocher, un fiacre. Au moment de payer, l'on s'enfile dans un hôtel cossu, car ils sont tous à double issue. Le seul inconvénient, c'est l'instabilité. Un jour, l'on bouffe comme 4, le lendemain, ceinture et plus rien pour payer. Tout ça parce que monsieur, qui n'est qu'un scribouillard, fait la noce au début du mois, croque tout l'argent de son papa. Oh, et vas-y, le théâtre, les dîners, la bonne vie. Et puis après Tintin, l'on vend ses beaux habits, et puis l'on se promène dans un veston crasseux. Oh, si le vieux savait ça. T'as beau être fonctionnaire, il te flanquerait une telle raclée sur le derrière que 4 jours après, il te cuirait encore. Bon, pas de regrets. Service, service. Mais tout de même, ici, s'il n'arrive pas à payer... Grand Dieu, toi qui me vois, donne-moi une soupe, une petite soupe avec quelques choux. Allons bon, le voilà. Aussi, mon tabac. Fumé. Comment? Depuis 3 jours. Ah bon? Bon. Aussi. Oui. Écoute, Ossip, va là-bas. Où ça? Mais dans la cuisine. Et dis-leur qu'on m'apporte à dîner. Non. Mais qui te permet de... Le patron ne veut pas. Mais enfin, c'est absurde. Il dit, vous êtes des canailles, j'irai au gouverneur, ton maître est une fripouille, vous irez en prison. Il dit aussi... Ah, assez, assez. Va chercher le patron. Oh, j'ai une de ses fins. J'ai été faire un tour. Mais quel patelin, pas un seul épicier qui veut le vendre à crédit. Oh, c'est très moral. J'ai fait la noce. Ah, ce satané capitaine d'infanterie. Il est très fort aux cartes. M'avoir ainsi plumé, comme un pigeon, comme un vulgaire pigeon. Mais je le retrouverai. Entrez. Le patron m'a dit de vous demander ce que vous désirez. Mais c'est gentil, ça, d'être monté. Comment vous portez-vous? Bien. Et l'hôtel, comment fonctionne-t-il? Bien. Et les clients? Comment vont les clients? Pas mal. Au fait, dépêche-toi de monter mon dîner, hein? Vite, s'il te plaît. J'ai encore à faire. Le patron l'a dit, vous n'aurez plus rien à crédit. De plus, il se plaindra ce soir au gouverneur. Mais enfin, moi, j'ai très faim. Cela se peut. Oh, mon bon petit ami, oh, ce n'est pas raisonnable. Hein. Va dire à ton patron que l'argent va de soi. Hein. Dis-lui que je dois manger. Monsieur, le gouverneur est là et il veut vous parler. C'est le patron. C'est indubitablement le patron. Mais quand a-t-il porté plainte? Et si vraiment il me traîne en prison? Oh, mais c'est que je ne veux pas, moi, qu'en diraient les officiers. Et toutes les petites jeunes filles, suis-je un vulgaire manœuvre ou bien un boutiquier? Par le ciel, ils auront bon me supplier, me le demander poliment, ils vont apprendre ce qu'est un fonctionnaire. Mes hommages. Mes respects. Excusez. Je vous prie. Le devoir primordial d'un premier magistrat et de veiller sur tous de façon paternelle. Sa tâche principale réclamant tous ses soins est de veiller au confort, à la joie, à la prospérité des gens de bien, surtout des étrangers. Car l'étranger, monsieur... Écoutez, parlons peu. Ce n'est pas de ma faute. Un jour, je le paierai, car j'attends de l'argent. Et puis même, si je refusais, sa viande est une semelle. Et sa soupe est pleine de déchets. Le thé est imbuvable, car il sent le poisson. Non, mais sentez. Mais sentez donc. Non, mais croyez-vous que réellement, je puisse y goûter? Il semble mécontent. Monsieur, croyez-le bien, je ne suis pas fautif. Je veille scrupuleusement sur les viandes du marché. Les bouchers qui la vendent sont tous des gens très bien, sobres et vertueux. Mais si quelque chose ici doit vous déplaire, je puis vous trouver un autre logement. Un autre logement? Je sais ce que cela veut dire, la prison. Mais de quel droit? Ainsi donc vous osez, à moi, un fonctionnaire, et de la capitale! Il est très en colère, c'est la dénonciation. C'était bien les marchands. Et quand vous viendriez avec un régiment, je ne vous suivrai pas. J'irai jusqu'au ministre! Mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Écoutez, par pitié, monsieur, j'ai une femme et de petits-enfants! De tout petits enfants! Ne nous perdez pas tous! À quel raisonnement? Parce qu'il a femme et enfants, moi, je vais en prison! C'est par inexpérience! Par ignorance, malchance, par manque de moyens! Ce que je gagne suffit tout juste à me payer le sucre de mon thé parce que je l'aime, ma mère! Non, ne dites rien, j'avoue, j'ai eu des petits pots de vin, mais si petits, à peine pour la table! Quant à la femme du sous-officier, je n'ai pas fait fouetter. Non mais calomnie, tout n'est que calomnie. Mais pourquoi parler de femmes et de sous-officiers? Mais moi, monsieur, je vous le garantis, on ne me fouette pas pour ça, moi. J'ai le bras long, et à la fin, assez. Je paierai. Il est très fort, il embrouille tout. De quel côté pourrais-je l'attraper? Advienne que pourra, je tente le morceau. Si vous aviez besoin d'argent ou de toute autre chose, mon devoir est d'abord d'aider les voyageurs. Hein? D'argent? Non, vraiment? Alors 200 roubles tout de suite au patron. Oh, quelle coïncidence! Je les ai là sur moi, justement en billets. Non, ne comptez pas, le compte y est. Non, merci. Je vous les renverrai. Non, cette gêne, croyez-moi, est tout accidentelle. Non, mais j'ai parlé trop vite, moi, il me semble galant homme. Dieu soit loué, il a pris mon argent au lieu de 200 roubles, j'en ai glissé 400. Mais asseyez-vous donc. Le respect. Mais si, je vous en prie. Mais pourquoi se fier toujours au premier mouvement? Ce second abord est bien plus sympathique. Jouons serré. J'étais sorti ce soir pour affaire de la ville. Soudain, passant devant l'auberge, je me suis demandé, les étrangers, y sont-ils bien traités? Leur montre-t-on toujours la déférence due? À moi, rien ne m'échappe. Car en plus des charges de mon gouvernement, la charité, monsieur, me commande et me guide. La charité chrétienne s'étend à tout mortel. Elle veut que chacun soit... demeure. Enfin, vous comprenez. Quoi qu'il en soit, je suis récompensé, puisque j'ai pu connaître un hôte aussi charmant. Ravi, ravi également. Non, à dire vrai, j'aurais dû rester ici indéfiniment. Je n'avais pas un sou. Va toujours, c'est cousu de fil blanc. J'en serrai. Vous êtes en voyage d'agrément? Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est mon père qui m'a fait appeler, oui. Le vieux est furieux. Il m'a écrit des lettres insensées. Vous savez comme ils sont. Je dépense trop d'argent, je ne fais rien pour mon avancement. Bah, je m'en vais bien le calmer. Voilà son vieux père à présent. Il n'en rate pas une. Je lui dirai... Mon père, comme vous l'entendrez, vous pouvez me déshériter, mais je reste dans la capitale. Comme ça, carrément. Il ment. Impossible de le faire se couper. Attends un peu. Et ce que vous dites là, hélas, est plein de profondeur. Que peut-il arriver à nous, gens de province, travailler toute sa vie, ne pas dormir la nuit, se crever à la tâche pour son pays? Oh, nul ne s'en aperçoit. Eh oui. Enchaînons. Cette chambre paraît humide. Abominable. Des punaises grosses comme des rats, en troupeau comme des loups, vous attaquant comme des chiens. Et sombre, mon ami, sombre. Non, mais depuis que je suis ici, monsieur, je n'ai rien écrit. Oh. Mais je ne peux pas, monsieur, il fait trop sombre, beaucoup trop sombre. Monsieur, si j'osais, si vous vouliez... Et quoi donc? Je sais que je n'en suis pas digne. Mais de quoi s'agit-il? Chez moi, à la maison, je pourrais vous offrir une petite chambre, claire, tranquille. Mais je le sens moi-même. Ce serait trop d'honneur. Pourquoi? Chez moi, c'est inné, cordialité et hospitalité. Je vous suis très reconnaissant et vous me plaisez, je l'avoue. Ne vous plairait-il pas de visiter quelques établissements de la ville? Mais pourquoi faire? Pour examiner la façon dont ils sont gérés, l'ordre qui y règne. Si vous y tenez... Nous commençons par la prison. La prison? Non. Ah non, sans façon, non. Allons plutôt voir le collège. Et comme il vous plaira. Non, mais passez donc. Non, après vous. Mais pardon. Non, pardon. Deux heures après, dans la maison du gouverneur, sa femme, la très importante personne... Anna Andreevna. Et sa fille, la très charmante... Maria Antonovna. Attendent des nouvelles. Elles sont penchées à plus de moitié corps par la fenêtre. Mais la rue reste vide. Tout ce qui ne marche pas sur béquille s'est porté jusqu'à la porte de l'auberge pour connaître les résultats de l'entrevue. Et soudain... Maman! Petite maman, quelqu'un vient là-bas tout au bout de la rue. Toujours tes inventions. Mais oui, c'est vrai, on vient. Qui est-ce la petite lettre? Qui est-ce la petite lettre? Oh, que c'est agaçant! C'est Dobchinski, maman. Dobchinski. Pourquoi toujours Dobchinski? Ça n'est pas Dobchinski. Et vous, là-bas, avancez vite! Maman, je vous assure, c'est vraiment Dobchinski. Mais oui, c'est Dobchinski. Pourquoi discutes-tu? Plus vite, dépêchez-vous! Oh, il est d'une lenteur! Alors, où sont-ils? Mais je n'entends pas! Plus fort! Quoi? Mais enfin, mon mari! Oh, ce qu'il est bête! Allons, entrez! Alors, comme ça, vous vous taisez! Vous ne voulez rien dire! Vous me laissez mourir! Moi qui étais la marraine de votre Vanishka! Et puis marraine de votre Yenka! Vous connaissez comme ça avec moi! Excusez-moi, j'ai un peu couru, ça m'a coupé le souffle! Mes respects, Marie Antonovna! Bonjour, Piotr Ivanovitch! Parlez! Oui. Que se passe-t-il? Où est-il? Comment est-il? Dites-moi! Est-ce un général? Est-il? Jeune, vieux, blond, brun! Plutôt châtain! On est tout troublés! Par l'âge, c'est un jeune homme! Par la sagesse, un vieillard! Il parle avec grâce! Mais quelle autorité! Parce que moi, je l'ai bien entendu parler! Il a dit, moi, j'aime lire et écrire! Mais ma chambre est trop sombre! Trop sombre! Oui! Anton Antonovitch vous envoie ce billet! Eh bien, donnez vite! Ah, joli commissionnaire! Il arrive, il se carre et il oublie l'important! Quel bavard! Allez, donnez! Je me hâte de t'informer, cher amour. Ma situation fut d'abord très critique, mais grâce à la miséricorde divine, pour une demi-portion de caviar et pour deux cornichons, 1,25 rouble. Mais que viennent faire ces cornichons? Le gouverneur, dans sa précipitation, a écrit sur une note d'hôtel. C'est évident! Mais grâce à la miséricorde divine, tout a fini par s'arranger. Fais préparer une chambre au premier, celle qui a du papier à rayures grises et jaunes, car il est notre invité. Je te baise les mains, cher amour, et reste pour toujours ton Antonovitch Skovnik Dukanovski. Grand Dieu, pas une seconde à perdre. Minchka! Sinon! Vaninchka! Qu'on s'active! La chambre jaune, le lit, le lavabo, etc. Qu'on aille chercher du vin chez le marchand Abdouline. Et s'il n'est pas bon, dis-lui que l'on s'en souviendra. Vite, vite! Et maintenant? Comment nous habillons-nous? Toi, tu mets ta robe bleue et les petits volants. Oh maman, le bleu si province, plutôt ma robe à fleurs. En un moment pareil, toujours me contredire. Tu mettras la bleue. Non. Si, tu la mettras. C'est celle qui te va le mieux, avec ma robe à pois. Laquelle voulez-vous mettre? La paille. La paille ne vous va pas. Il faudrait des yeux noirs. Les vôtres sont trop clairs. Et tu oses prétendre que moi, j'ai les yeux clairs? Mais regarde-moi, petite dinde. Osez dire ça à sa mère. Mais ils sont noirs, mes yeux. Oui, ils sont noirs. La preuve, quand je tire les cartes, je suis dame de trèfle. De quelle? Ineptie. Tu n'es qu'ineptie. Moi, une dame de cœur. J'aurais tout supporté. Du cœur. Insensé! Cette fille me tuera! Minchka! Valinchanka! Lysanka! Qu'on m'habille! Ces dames à peine sorties, entre le gouverneur, le digne révisor, et puis quelques amis. Un repas copieux, quoique soigné, ayant été absorbé depuis leur sortie de l'auberge, Khlestakov est beaucoup plus cordial. Une douce gaieté flotte sur l'assistance. Très bien, très bien. Ce qui me plaît, c'est cette façon de faire visiter la ville aux étrangers. Ailleurs, jamais l'on ne fait rien voir. Déjeuner excellent. Moi, j'aime bien manger, car je vis pour cueillir les belles fleurs acides du plaisir. Dis-moi, comment s'appelle le poisson? Du laberdan. Vraiment exquis. Mais où avons-nous déjeuné? C'était bien l'hôpital. L'hospice de bienfaisants. Ah oui, je me souviens, oui. Il y avait quelques lits, mais très peu de malades. Une dizaine, pas plus. Tous les autres sont guéris. Depuis que j'ai été nommé à l'hôpital, ils guérissent comme des mouches. Un malade arrive, il entre à l'infirmerie, et le lendemain, ça y est, il est guéri. Pas tellement par les remèdes, mais grâce au personnel compétent, grâce surtout à l'ordre et à l'honnêteté. Ainsi et... que je vous le disais, les fonctions de chef de district sont de véritables casse-têtes. Les ordres, la voirie, la propreté, les réparations, un génie s'y perdrait. Mais moi, je m'y retrouve. Tout est en ordre. Un autre gouverneur ne penserait qu'à ses petits profits. Mais moi, quand je vais me coucher, je m'adresse à Dieu et je dis « Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me connais. Moi, je n'ai qu'un désir, servir. Je n'attends pas d'autre récompense que celle de savoir que le gouvernement est satisfait et qu'il se réjouit d'avoir un bon serviteur. Quel bonheur vivifiant de voir les rues balayées, les prisonniers bien traités, les hommes sobres, les femmes diligentes. Que demander de plus? Et quelle humaine récompense pourrait approcher de la joie de faire le bien? Belle période, quel gredin. Vous avez une belle âme. J'aime, moi aussi, élever mon esprit. Alors, j'écris en prose, parfois en vers. Quelle instruction, ça se voit. Ou bien, je me consacre à quelque jeu subtil de cartes. N'y a-t-il pas un cercle ici? Une société où nous pourrions jouer. Toi, je te vois venir. Oh, le ciel nous en préserve. Jamais je ne permettrai ces jeux abominables dans une ville honnête. Moi, je ne sais même pas comment on joue aux cartes. Le roi de carreau me donne la nausée. J'aborde la dame de trèfle. Une fois, j'y ai touché. Pour faire jouer mes enfants, j'ai construit de mes mains un château de ces cartes. Croyez, si vous voulez, Je n'en ai pas dormi. Délicate nature. Il m'a gagné 100 roubles hier au soir. Vous exagérez peut-être un petit peu, non? Excusez-moi, mais voici ma famille. Ah. Oserais-je vous la présenter? Ma femme, ma fille. Chère madame, quel plaisir pour moi de vous voir. Le plaisir est pour moi. Non, pour moi. Monsieur, ce compliment me gêne. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous prie. Mais c'est déjà une joie que d'être auprès de vous, même debout. Pourtant, je m'assirai. Assise à vos côtés, je suis heureux, madame. Vous me remplissez de confusion. Je n'ose croire que ces paroles charmantes sont à mon intention. Après la capitale, le voyage a dû vous paraître bien désagréable. Très odieux, en effet. La crasse, les auberges, la poste, la saleté. Mais qu'importe, votre présence compense toutes les peines. Oh, je ne suis qu'une provinciale, monsieur, que dites-vous? La province a ses ruisseaux, elle possède ses collines. Mais Saint-Pétersbourg, ah, Saint-Pétersbourg. Peut-être croyez-vous que je suis un simple bureaucrate? Non, non. Pas du tout. Avec mon chef de service, je suis à tu et à toi. Je ne passe au bureau que pour donner des ordres, 2 minutes. Je dis... faites ceci, faites cela, au préposé aux écritures. Dans l'escalier, le garçon du bureau me court toujours après. Je vous en prie, Ivan Alexandrovitch, dit-il, laissez-moi brosser votre botte. Mais monsieur, pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous, vous en prie. Nous savons nos devoirs. Nous resterons debout. Ne vous inquiétez pas. Messieurs, point de cérémonie. Je suis un être simple. J'ai horreur qu'on me remarque. Seulement, vous comprenez, je suis bien trop connu. Partout où je passe, j'entends ce bruit de foule. C'est Ivan Alexandrovitch, Ivan Alexandrovitch, Ivan Alexandrovitch, Ivan Alexandrovitch, Ivan Alexandrovitch. Mais insupportable, absolument. Heureusement, je connais d'adorables petites actrices. Elle me délace. Quand je ne fréquente pas les cercles littéraires. Avec Poutkine, je suis intime. Et je lui dis parfois, alors, mon vieux Poutkine. Et il me répond, qu'est-ce que tu veux, mon pauvre vieux? On fait aller. C'est un grand original. Mais mon petit doigt m'a dit que vous écriviez. Ah. Oh, quelle merveille. Cela doit être d'écrire. Vous publiez dans les revues. Certainement. Oh. Et sans fatuité, je dois l'avouer, mon œuvre est déjà considérable. Vous connaissez peut-être le mariage de Figaro et Robert le Diable. Oh. C'est de moi. Oh. Et remarquez-le bien, je ne suis pas professionnel. Non, j'écris comme ça lorsque cela me vient, ou bien quand un directeur de théâtre me presse. Alors, je rentre chez moi, je m'installe à ma table, et je laisse couler l'inspiration uniquement. Oh, c'est merveilleux. L'étonnant est que mon œuvre éblouisse tout le monde. En vérité, j'ai seulement beaucoup d'imagination. Et tout ce qui passe sous le nom de Manon Lescaut et du Télégraphe de Moscou, eh bien, c'est de moi. Oh, Manon Lescaut, c'est vous? Mais naturellement. Mais alors, Robinson Crusoe, c'est vous aussi? Mais bien sûr. Je l'avais tout de suite deviné, rien qu'en style. Mais maman, sur la couverture, ils disent que c'est d'un Anglais. Ça y est, faut encore qu'ils discutent. Et en effet, l'on m'a dit qu'un Anglais avait également écrit sur ce sujet. Oh, mais c'est sûrement le vôtre que j'ai dû lire. C'était si bien écrit. Je vous avouerai que c'est la littérature qui me fait vivre. Oui, elle me permet de tenir table ouverte à Saint-Pétersbourg. J'y donne des balles. Oh, quelle splendeur. Doivent être ces balles. Ne m'en parlez pas. Tenez, seulement pour les repas. Hein? Eh bien, des melons à 700 roues. Oh, un potage d'un fumet. Il arrive tout droit de Paris par bateau, dans sa casserole. Dans sa casserole. Et tous les jours, le bal. Tous les soirs, le whiz avec l'ambassadeur de France et celui d'Angleterre. Parfois, celui d'Allemagne. Oh, mais cela me fatigue en mourir. Et pour regagner mon 6e... Mais pardon, j'habite au 1er. Et le matin, mon antichambre. Quelle foule! Des comtes, des princes, des ducs, et tout ça bourdonne comme des frelons. Oh, c'est très lassant d'ailleurs. et parfois même un ministre ou deux. Mais que m'importe, je dirige tout un département au ministère. Lorsque l'on m'a proposé, j'étais chez moi en robe de chambre. Ma foi, je fus d'abord confus, et puis j'ai réfléchi. C'était pour l'empereur. J'ai alors déclaré, vous avez mon accord. J'accepte, dis-je. J'accepte, mais voici mes conditions. Vous m'obéirez sans restriction. Les pots de vin, fini. Le travail. Le travail, j'ai dit. Qu'on marche droit. Tout le monde a frémi. Aussi, lorsque je marche dans mon ministère parmi les dos courbés de mes petites gens, on tremble. Le Conseil d'État lui-même me connaît. Un jour, ils ont tenté de relever le nez. Je suis venu, j'ai dit, il ne me faut personne. J'agis seul. Je vis, j'agis, je suis partout. Foudre et tonnerre. Demain, au plus tard, je serai nommé maréchal. Vous... Qu'y a-t-il ? Votre Excellence pourrait se reposer. Sa chambre est toute prête. Me reposer, me reposer. Il parle de me reposer. Mais pour Kleskakov existe-t-il du repos ? Se reposer ! Au fait, je ne demande pas mieux. Je suis comblé, messieurs, par votre déjeuner. Il était excellent. Au fait, le poisson, c'était du laberdan. Du laberdan, du laberdan. Du laberdan. Du laberdan. Oh, du laberdan. Ça, c'est un homme. Du laberdan. Ça, c'est un homme. Imposant. Terrifiant. Émouvant. Il pourrait être vénéral. Oh. Allons tous de ce pas commenter l'événement. Ce jeune homme est délicieux. Il est chou. Et ses manières exquises. Il sent sa capitale. J'aime les jeunes gens. Leur présence m'affole. Je crois avoir plu. Il me regardait sans arrêt. Mais non, petite maman. C'est moi qu'il regardait. Illusion de la jeunesse. Tes réflexions sont déplacées. Mais je vous assure, maman. Il faut encore qu'elle discute. Le réviseur te regardait, mais pour quelle raison t'aurait-il regardé ? Pourtant, je vous assure, maman, il m'a vraiment regardée. Deux fois. Quand il parlait littérature, et puis des jeux de cartes et des ambassadeurs. Bon ! Admettons, il t'a regardée. Et puis après, c'était tout à fait par hasard. Il s'est dit, tiens, regardons-la une fois, comme ça, en passant. Chut ! Moins de bruit ! Taisez-vous par le ciel ! Il dort. Il faut toujours mettre à profit le sommeil d'un grand personnage, ne serait-ce qu'en réfléchissant tranquillement. Je vous le dis, il faut faire quelque chose. Il le faut, mais quoi ? Vous le savez parfaitement. Lui offrir ? Mais oui. De l'argent ? C'est dangereux, cela, pensez-y. Très dangereux. Ou alors ? Quoi donc ? Lui proposer cela sous forme de dons, de collectes faites dans la noblesse, pour l'érection d'un monument. Ou lui dire, voilà l'argent, il nous est venu par la poste, mais on ne sait pas comment. Nous irions en délégation. Êtes-vous des enfants ? Ces affaires-là se traitent en privé. Nous irons le voir chacun notre tour. Et là, sans témoin, j'insiste, sans témoin, nous pourrons, vous comprenez, Amos Féodorovitch, passez le premier. Après vous, très cher après vous. Ou bien Luka Lukic, en sa qualité d'éducateur de la jeunesse. Impossible, totalement impossible. Quand je parle à un supérieur hiérarchique, je m'embrouille, je m'emmêle, je me perds. Messieurs, dans notre intérêt commun... Alors je ne vois vraiment que vous, Amos, qui puissiez parler. Amos Féodorovitch, ne m'abandonnez pas. Soyez un père pour moi. Vous parlez comme Cicéron. Vous êtes noble comme Scipion. Passez le premier. Passez le premier. Et pendant ce temps, repu, reposé, rasé, Kleskakov se réveille. Oh, pour avoir bien dormi, j'ai bien dormi. Pourtant, une question. Où diable trouve-t-il tant de couvertures et tant d'édredons? J'ai sué. Et avec ça, je n'étais pas tout à fait d'aplomb. Oh, ce déjeuner, ces vins, ces poissons. La maison est bonne. Et la fille n'est pas mal. Et la mère, mon Dieu, un soir de carnaval. Hein. Moi, j'aime ce genre de vie. Entrez. Sainte Madone, que tout se passe bien. Saint-Serge, qu'il m'accueille bien. Seigneur, qu'il prenne mon argent. J'ai l'honneur de me présenter. Lyapkin Tiapkin, juge de district. Asseyez-vous. Merci. Alors, vous êtes juge? Oui. Et ça rapporte bien? Peut-être un jour la croix. Celle de Saint-Vladimir de quatrième classe. Bien noté par mes supérieurs, apprécié de mes subordonnés, redouté des voleurs et béni des honnêtes gens. Sortirai-je l'argent? Qu'avez-vous à la main? Rien. Mais si, c'est de l'argent. De l'argent. Seigneur, je suis perdu. Corruption de fonctionnaires, prison, déportation, destitution. De l'argent. Vous devriez bien me le prêter. Mais comment donc? J'ai eu, vous savez, pas mal de frais de voyage. Je vous l'enverrai. Inutile, inutile! Toutes mes faibles forces, mon zèle, mon argent, ma vie, tout est à vous. Donnez des ordres. Mais quels ordres? N'importe, j'obéirai. Je n'en vois pas la nécessité. Il a pris mon argent. Il a pris mon argent. Il a pris mon argent. Ce juge n'est pas malin, mais il semble brave homme. J'ai l'honneur de me présenter, conseiller de Courchepokin, directeur des postes. Soyez le bienvenu, j'adore la société. Vous êtes du pays? Oui. Votre vie est charmante. Certainement. Et si je lui demandais de l'argent? Figurez-vous qu'il m'arrive une curieuse histoire, j'ai dépensé tout mon argent. Ne pourriez-vous pas m'avancer 300 roubles? Mais très certainement, je suis ravi. Merci. Et n'ose vous importuner plus longtemps. N'avez-vous rien à dire qui concerne les postes? Ma foi non. Mais ce directeur aussi semble un excellent homme. Très serviable. J'aime ce genre de gens. Vous avez l'honneur de me présenter. Conseiller titulaire Klopov, inspecteur des écoles. Je suis ravi. Vous êtes le bienvenu. Asseyez-vous. Voulez-vous un cigare? Oh, ce n'était pas prévu. Dois-je prendre ou ne pas prendre? Mais vous ne tenez pas le mauvais bout. Oh. Vous n'êtes peut-être pas amateur de cigares. Moi, j'aime ça. Et le beau sexe. Vous aimez les femmes? Moi, j'adore. Surtout les blondes. Ah, on ne veut rien dire. Hein, on est un petit cachotier. Je sais, ce sont les pires. Coureurs, hein, vous rougissez. Vous rougissez. Il n'est pas très bavard. Votre éminence, votre... Oh, je m'embrouse. Maudite langue. Il semble près de mourir. Demandons notre argent. Figurez-vous qu'il m'arrive une curieuse histoire. J'ai dépensé tout mon argent. Ne pourriez-vous pas m'avancer 300 roubles? Oh, pourvu que je ne les ai pas oubliés. Oh, les voilà! Les voilà! Merci! Je n'oserais vous importuner plus longtemps. C'est cela, au revoir! J'ai l'honneur de me présenter. Conseiller de cour Zimlinka, surveillant des établissements de bienfaisance. Je suis ravi, vous êtes le bienvenu. Asseyez-vous. Voulez-vous un cigare? Je dois vous avertir. Le directeur des postes est un incapable. Il retient les paquets et ouvre les lettres. Vraiment? Le juge court uniquement le lapin. Et il trompe sa femme avec l'épouse de l'huissier du tribunal. Si elle est belle. Quant à l'inspecteur scolaire... Eh bien? C'est un jacobin. Quelle horreur. Je ne parle pas du gouverneur. Je puis vous envoyer tout cela par écrit. C'est ça. Quand je m'ennuie, j'aime lire quelque chose de drôle. Mais passons aux choses sérieuses. Figurez-vous qu'il m'arrive une curieuse histoire. J'ai dépensé tout mon argent. Ne pourriez-vous pas m'avancer 400 roubles? Mes renseignements... Très dur à monnayer. Vous ne les avez pas? Si, monsieur. Je les ai. Ah! Merci beaucoup, monsieur. Merci. Adieu! J'ai l'honneur de me présenter. Piotr Ivanovitch Bobchinsky. Ravi, bienvenue. Asseyez-vous. Cigare, avez-vous de l'argent? De l'argent? Quel argent? À me prêter 1000 roubles. Mon Dieu, je n'ai pas une telle somme. Et vous, Piotr Ivanovitch? Moi non plus, Piotr Ivanovitch. 100 roubles suffiront. Vous n'auriez pas 100 roubles, Piotr Ivanovitch? Ah, tout juste 40, Piotr Ivanovitch. À peine 25, Piotr Ivanovitch. Ça ne fait rien, donnez toujours. J'ai l'honneur de me présenter. Ravi. Bienvenue. J'ai l'honneur de me présenter. Cigare, argent, 200 roubles. J'ai l'honneur de me présenter. 300 roubles, 400 roubles, 500 roubles. J'ai l'honneur de me présenter. Je ne vous retiens plus. Et voilà. Voici Croyez-moi, Ivan Alexandrovitch. Eh bien. Partez d'ici, je le jure. Il est temps. Oh, tu m'embêtes. Vous avez eu 2 jours de bon temps, mais croyez-moi, partez, Ivan Alexandrovitch. On ne nous prendra pas toute notre vie pour des princes du sang. Idiot. Cela finira mal, Ivan Alexandrovitch. Cela finira mal. Ah oui. Oui, oui, peut-être. D'accord. Ne soyons pas trop gourmands. Allons, fais prévenir la poste et que les chevaux soient bons. Par pitié. Non. Laisse-nous entrer. Il dort. Il faut que je lui parle. Enfin, nous passerons. Votre Altesse Sérénissime, Monseigneur des Finances. Drôle de titre. Je suis le marchand Abdouli. On me fait subir les pires persécutions. On me vole, on me pille, on me fouette. Pitié, Seigneur, pitié. Là, là, c'est bien, là, mais calmez-vous, calmez-vous. Par qui êtes-vous volé? Mais par le gouverneur! On n'a jamais vu un gouverneur pareil! Il nous fait tant de misère que leur temps manque pour les dire! Il nous accable d'impositions! Nous étrangle de réquisitions! Et pourtant je lui ai donné, monseigneur, tout ce qu'il fallait! Mais il n'est jamais satisfait! Il entre et il prend notre drap! Notre vin! Notre viande! Quelle triste misère! Il ne nous laisse rien! Alors si je comprends bien, c'est un gredin. Et encore, s'il ne prenait que les choses délicates, mais jusqu'aux saloperies, il bouffe jusqu'aux pruneaux, les vieux! Si tu voulais! Si tu pouvais! Il partirait loin, peut-être en Sibérie. Cadeau excellent. Prends ces beaux pains de sucre. Non, non, non, non, non, jamais de pot de vin, je ne peux accepter, non. Ah, par contre, si vous aviez tout juste pour me prêter, disons, tiens, 300 roubles. Accepte 500 roubles, terrible justicier, et ce plateau avec, car il est en argent. Mais au fait, pourquoi refuser leur sucre? Donnez, donnez, donnez! En voyage, le sucre est nécessaire. Donnez aussi le panier. C'est très utile, un panier. Et puis donnez aussi la ficelle. Rien de perdu. Oh, Salomon, fais-nous justice. Venge-nous, sinon il ne restera plus rien de tes marchands. Mais certainement, certainement. Je ferai pour le mieux. Allez au chiffre, accompagne ces messieurs. Et qu'il n'entre plus personne. J'ai fait le plein. Ben, laisse-moi qui vous effraie. Du tout. Mais je cherchais ma mère. Ne l'auriez-vous pas vue? Mais je vous prie de m'excuser. Vous deviez réfléchir à des choses importantes. Quelle chose peut avoir de l'importance lorsque je regarde vos yeux? Oh, vous me parlez comme à la capitale. Mais n'y seriez-vous pas une fleur? Accordez-moi un grand bonheur. Si, si. Asseyez-vous. Là... près de moi. Hélas, qu'ai-je à vous offrir? Un tabouret au lieu d'un trône. Vraiment, je ne sais. Il faudrait que je parte. Oh, mademoiselle. Pouvoir être un foulard et presser votre cou. Il me trouble. Je ne comprends plus. Ne pensez-vous pas que le temps est serein? Mais quand rêve le temps de regarder le soleil, mon regard s'est fixé sur vos deux petites lèvres. Oh, vous m'en dites des choses. J'ai un album de souvenirs. Si vous m'écriviez quelques vers... De quels vers merveilleux j'accoucherais pour toi? N'éloignez pas votre chaise, cruelle. Ne vous écartez pas. Ma vie ne saurait s'exprimer ailleurs qu'entre tes bras. Il devient expansif. Oh, monsieur, regardez par la fenêtre l'oiseau. C'est une pie. Oh, monsieur, vous exagérez. Ce n'est pas parce que je suis province qu'on peut m'embrasser immédiatement dans le cou. Oh, Maria, Maria Antonovna, ne me repoussez plus. Ne voyez-vous dans ces débordements que l'épreuve d'un amour excessif, d'un amour qui ne pourra jamais plus se contenir? Oh, pardonne-moi, à genoux. Ah ! Quelle horreur ! Oh, quel ennui. Toi ! Ma propre fille ! Toi élevée par moi, dans votre chambre, tout de suite ! Excusez-la, c'est une enfant. Certes, certes. Mais elle n'est pas si mal, la mère. Dans la pénombre, pas mal du tout. Oh, madame, je brûle d'amour pour vous. Je me consume à vos genoux. Monsieur, relevez-vous. Le plancher n'est même pas balayé. Oh, je resterai là, madame, jusqu'à la mort. Mais monsieur, vous vous trompez d'objet. Vous voulez parler de ma fille. De ta fille? Grand Dieu, à qui donc parlerai-je sinon à celle dont je tiens les genoux? Je vous aime. Accorde-moi ta main. Je suis déjà mariée. Mais qu'importe, tendre beauté. Si les lois nous réprouvent, nous nous réfugierons à l'ombre d'un ruisseau. Maman, papa vous fait dire... Quel ennui! Eh bien, quoi? Que t'arrive-t-il? Tu rentres comme une étourdie! Tu restes plantée comme un piquet! Tu imagines! Tu imagines! Est-ce moi qui t'ai appris à imaginer? Ça a 18 ans et pas plus de tête qu'un marmot de 3 ans! Mais qu'ai-je fait au ciel pour avoir cette fille? Tête en l'air, petite cruche, tout à fait les filles de Lipiatin Tiakin. Tiens, voilà les exemples que tu veux suivre, alors que tu as devant toi ta mère. Ta mère qui te montre le droit chemin. La jeune ou la vieille? Tranchons le problème. Anna Andrievna, ne vous opposez pas au jeune bonheur de votre fille. Bénissez notre amour, car il sera éternel. Comment sait-elle que... Décidez de ma vie. Eh bien, la petite sotte, tu comprends maintenant. C'est à cause de toi, petite ridicule, qu'il était à mes pieds. Oh, tu mériterais que je refuse. Tiens. Maman, petite maman, je ne le ferai plus jamais. Pitié, votre excellence! Pitié, n'en croyez rien! Ils ont menti! Les marchands sont tous des menteurs, des voleurs! Ils trompent le pauvre peuple! Ils vous trompent! Ils me trompent! Oh non, non, ne me perdez pas! Un tout petit enfant ne les entendrait pas! Mais de quoi parle-t-il? Mais enfin, mon ami! Mais pitié! Mais sais-tu l'honneur que nous fait notre hôte? Il demande la main de Maria! En plus, ma femme est folle! Excellence, ne nous accablez pas! Ma femme est dérangée! Elle tient ça de sa mère! Je vous le dirai donc moi-même. J'aime Maria et je veux l'épouser. Mais je suis indigne d'un tel amour. L'amour me fait perdre la tête. Donnez-la-moi. Donnez-la-moi. Donnez-la-moi ou je ne réponds plus de moi. Je me ferai brûler la cervelle. Je vous ferai condamner par les tribunaux. Ne vous fâchez pas. Non, mais par le ciel, ne vous fâchez pas. Je n'y comprends plus rien. Je ne sais ce que j'ai, mais jamais de ma vie je ne me suis senti aussi imbécile. Ils attendent ta paternelle bénédiction. Certes, que Dieu vous bénisse. Mais je n'y suis pour rien. Pourtant, oh mais ils s'embrassent, ils s'embrassent. Mais ils sont fiancés, mais fiancés pour de bon. Oh, Anton, Anton, le réviseur et moi, voilà où nous en sommes. Les chevaux sont prêts. J'arrive. Vous partez? Oui. Je pars. Mon oncle, un richissime vieillard, se meurt. Et il m'attend. Je reviendrai bientôt, cher amour. Oh, nous n'osons pas vous retenir. Adieu, chérie. Adieu, m'amour. Oserais-je vous demander, et monsieur, pour le voyage, il ne vous manque rien? Non, rien. Au fait, n'auriez-vous pas, disons, 400 roubles à me prêter? Tout juste là sur moi, et en billet tout neuf. Ah oui, cela est bien. Habillé neuf, bonheur nouveau. Adieu, Anton Antonovitch. Adieu, Anna Andrievna. Adieu, mon petit cœur, mon cher ange, mon âme. Adieu, votre excellence. Adieu. Adieu, très cher Ivan. Et maintenant, quelqu'un! Votre Excellence! Va un peu chercher les marchands. Ah! On se plaint, mes canailles! Ah! On fait des pétitions! Attendez, mes petits agneaux, vous la rongerez, votre barbe! Vous la boufferez, votre moustache! Va les chercher et dis-leur bien. Il arrive un grand bonheur au gouverneur. Il marie sa fille. Savez-vous avec qui? Avec un homme ordinaire, mais pas du tout! Qu'on le proclame à coups de trompe, que l'on sonne les cloches! Anton Antonovitch marie sa fille! Ce sera un vrai triomphe! Où habiterons-nous? À Saint-Pétersbourg! Que pourrais-je devenir? Peut-être général! Avec un grand cordon! Et de quelle couleur? Bleu! Oh! Être général! Je partirai en voyage et mes aides de camp galoperont devant moi. Des chevaux pour le général! Et dans chaque ville, le gouverneur et les notables m'attendront au garde-à-vous. Mais moi, je m'en fiche et je passe. À la rigueur, je dîne chez l'intendant général. Et le gouverneur, debout, dehors, dans la boue, attend mon bon plaisir et fait le pied de grue. Mais il faudra changer toutes nos relations! Plus de juges coureurs de lièvres, mais des comtes, des princes, des ministres parfumés. Il paraît que là-bas, on mange des poissons, de tout petits poissons, si friands et si tendres qu'ils fondent sous la langue. Oh, quant à moi, ma maison sera tendue de soie, ma chambre sentira l'ambre. Lorsque j'y pénètre, je m'évanouis de joie. Les marchands, Excellence! Ah, vous voilà, mes petits lapins blancs! Alors, on est content? Et le commerce marche? Buveurs de thé, calicots, marchands, on se plaint maintenant? Voleurs, sacs à vin, contrepoids de potence, hein? Ça vous embouche un coin, marchand de draps pourris. Ah, tu le connais bien, ton métier de voleur. Fripouille, se plaindre? Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à filouter les marchés de l'État? C'est moi, vieille peau de chèvre. Et ce pont où tu as compté 20 000 roubles, un bois moisi qui n'en valait pas 100. Grâce à qui est-il passé? Seulement toi, tu oublies. Excellent. Un seul mot, et c'est la Sibérie. Pour tous, vendeurs de chats crevés, écarisseurs de vaches. Pardon. Vous pardonnez? Mais regarde-moi ça, à mes pieds, ça se vautre, ça s'étale, ça s'embourbe. Un canaille. Vous avez de la chance que je ne sois pas rancunier. Donc, je marie ma fille. Ce sera un beau mariage. Le très beau mariage. Souvenez-vous-en bien et que les cadeaux soient de taille. Compris? Bon, allez, filez. Et que Dieu vous bénisse. Oh, c'est vrai. Faut-il croire la nouvelle, Anton Antonovitch? J'ai la bien grande joie de vous féliciter. Je vous félicite, je vous félicite. Oh, Maria Antonovna, quel heureux événement. Quel bonheur. Quel honneur. Quel prestige étonnant. Si vous l'aviez vu présenter sa demande. C'était exquis. Il me disait, ce que j'en fais, Anna Andreevna, c'est uniquement pour vos mérites. Et puis encore, ma vie n'importe guère. Seuls peuvent compter vos belles qualités. Mais non, petite maman, c'est à moi qu'il disait cela. Et toi, tu ne sais rien. Et comme je rougissais, il est tombé à mes pieds et m'a dit « Aimez-moi ou je fais un malheur !» Mais non, petite maman, c'est à moi qu'il parlait. Et oui, à toi aussi, évidemment. Il voulait se brûler la cervelle. C'était la destinée. Le mérite, cher ami, le mérite. Ce sacré gros cochon aura toutes les veines. J'ai un fils qui doit partir pour la capitale. J'ai une petite affaire dont je dois vous parler. Et je voudrais vous dire... Dans votre nouveau luxe, ne nous oubliez pas. Mon cher ami, ces gens nous importunent. J'aborde le commun. Surtout, ne promets rien. Le directeur des postes. Une nouvelle extraordinaire. Un événement inattendu. Le réviseur n'est pas le réviseur. Oh, pas réviseur. Mais pas du tout, du tout. C'est un vague petit scribouillard en mal de Saint-Pétersbourg. Comment? Qui vous l'a dit? Cette lettre. Quelle lettre? La lettre. Cette lettre écrite de sa propre main. On me l'apporte, je lis l'adresse. Voyez, rue de la Poste. La Poste, me dis-je, il doit se plaindre là-dedans de mes services. Alors, j'hésite un peu, je me décide et j'ouvre. Comment avez-vous pu? Inspiration du ciel. Vous permettez, messieurs, que je lise la lettre. Très cher Triapitchkine. Il faut que tu profites de l'excellente histoire qui vient de m'arriver. J'ai été sur la route entièrement refait par un capitaine d'infanterie. Il m'a pris jusqu'au dernier copec. Donc, situation pénible, les crédits prolongés, un hôtelier désagréable projetant de me faire enfermer, et soudain, le miracle. Les autorités, séduites par ma bonne mine, mon air martial et mon maintien, m'adoptent. Ils croient que je suis intendant, inspecteur, je ne sais quoi. Et du coup, il m'adore. Je t'écris aujourd'hui de chez le gouverneur. Je courtise sa femme, flirte avec sa fille. L'une et l'autre, d'ailleurs, me semblent assez douées. Mais je crois que la mère sombrera en premier. Ceci dit, l'on fait la queue devant mon appartement. Tous ces braves gens m'apportent de l'argent. Attends, tu creverais de rire si tu pouvais les voir. D'abord, le gouverneur... C'est un âne bête à manger du foin. Vous mentez! Il n'y a rien d'écrit de tel. Lisez vous-même. À manger du foin? C'est un âne bête à manger du foin. Le directeur des postes... Inutile de continuer, il s'exprime de façon inconvenante à mon égard. Lisez toujours. Permettez, je vais continuer. Le directeur des postes ressemble, comme deux gouttes d'eau, au garçon boucher en face de chez toi. Il semble également aussi ivrogne, le cochon, le surveillant des établissements de bienfaisance. Pourquoi vous arrêtez-vous? Et l'écriture devient illisible. Donnez ces bonnes vues. Le surveillant des établissements de bienfaisance est également un cochon coiffé. Totalement dénué d'intérêt. Qui a jamais vu un cochon coiffé? L'inspecteur primaire sent l'oignon à plein nez. Le juge au tribunal... Oui, la lettre est un peu longue, ne trouvez-vous pas? Mais pas du tout. Est un minus abens. Ça, c'est un mot anglais. Au reste, tous ces braves gens sont vraiment hospitaliers. Adieu, très cher Triapitchkine, ton Ivan Alexandrovitch. Et voilà. Je suis perdu. Je suis tué. Assassiné! Mes yeux se brouillent. Il me semble... danser au milieu des porcs affamés. Qu'on le rattrape! Qu'on le rattrape! Je lui ai donné le meilleur attelage et j'ai fait prévenir d'avance les relais. Hélas! Voici la chute d'une si belle carrière. J'ai roulé un ministre, trompé 20 inspecteurs. Les plus fiefs et coquins n'étaient rien devant moi. Et il faut qu'un blanc bec! Ah oui, oui, vous pouvez rire, mais regardez-le, leur ridicule! Admirez-le, le gouverneur! Le spectacle est gratuit! Vos gouvernements que l'on vous a donné là! Et l'autre, maintenant, est parti sur la route! Il raconte son histoire! Il la déguste à petits coups! Il la raconte dans toutes les auberges de la route où il s'arrête! Il le peut! Ah, le coquin! Il a assez d'argent! Et là-bas, hein, à Pétersbourg! Il se fait un nom aussi dans les salons. Il amuse, il brille. Me riez donc un peu sur moi. De quoi? Mais de qui riez-vous? Mais de vous! Oui! De vous! De vous-même. J'aurai la dernière manche. Raté! Scribouillard! Gratte-papier! Vaseux! Mais je vous reprendrai. Et vous en baverez! Vous en baverez! Vous en baverez! Non, mais vous l'avez vu? Mais qui donc a pu un seul instant confondre ce minable avec un ravisor qui le premier a osé une erreur si grossière. Et nous étions dans un brouillard, éteint, ensorcelé. Je les connais, messieurs les jurés, ceux qui vous ont trompés. Eux. Moi, Piotr Ivanovitch. Moi, Piotr Ivanovitch. Vous deux. Cocagnier. Votez-moi. Menteur. Vous adressez-vous à Piotr Ivanovitch ou à moi? À moi ou à Piotr Ivanovitch? Marchand dictaire. Ordre de l'empereur. Le révisor vient d'arriver de Saint-Pétersbourg. C'était Le Réviseur, une adaptation radiophonique de la comédie de Nicolas Gogol, avec Jacques Destoupe, Klestakov le Réviseur, Gaston Vaquia le Gouverneur, Claude Évrard le Surveillant des établissements de bienfaisance, Jean Saudret le Juge au Tribunal, Claude Vernic l'Inspecteur de l'Enseignement, Alain Souchère le Directeur des Postes, Michel Bernardi, Piotr Ivanovitch Bobchinski, Serge Merlin, Piotr Ivanovitch Dobchinski, Raymond Jourdan, Ossip, Guy Richard et Pierre Gurgan, Les Marchands, Chantal Darget, Anna, Christiane Lasquin, Maria. Prise de son, François Samba. Réalisation, Serge Ligier. C'était une production de la radiodiffusion de la France d'Outre-mer.